battre par la suite, là, ça prend un appui. Mais normalement, un individu pourrait lui-même poser la question ou demander, recevoir une réponse de non recevoir ou autre. Mais pour en discuter, ça prend toujours un appui. C'est pour ça qu'on a une entente, Mme Guérette et moi, depuis le début, c'est que si elle veut débattre en démocratie d'un sujet, je l'appuie tout le temps, même si je suis pas d'accord avec elle. Et même elle, si elle n'est pas d'accord avec un sujet que je voudrais avancer, c'est la seule manière que je puisse représenter mes électeurs, c'est que quelqu'un m'appuie pour débattre, même si par après, on vote contre. Parfait. Donc, Mme Guérette, si je comprends bien, il y aurait possibilité, à ce que vous sembliez dire il y a quelques instants, que vous et M. Bussière portiez une proposition de la part des manifestants, en fait, des indignés d'Occupons Québec, avec une liste de demandes à la Ville de Québec pour qu'il y ait, un tant soit peu, un début de négociation. C'est bien ça? Oui, c'est ce qu'on va faire. Puis vous savez, de toute façon, ça va quand même nécessiter 2 semaines, là, hein, parce que on n'aura pas de réponse séance tenante. Si on pose ce geste lundi, on aura à moins qu'on demande dans débat séance tenante, je crois qu'on peut le faire, monsieur. Oui. Et pourquoi pas? Ça prend le consentement unanime. Ouais. L'autre procédure, le conseil peut se suspendre quelques minutes, le temps que le comité exécutif nous donne la réponse, puis revenir avec leur réponse pour séance tenante. Mm. Mais indépendamment de ça, le maire en tout temps peut convoquer une séance spéciale, une séance extraordinaire, 2 jours après pour En débattre. Il n'est pas obligé d'en 15 jours, et pourquoi c'est pas. Sûr. Moi, je pense, je sais qu'ils nous entendent peut-être à la place de l'Université du Québec présentement. Moi, je pense que si vous, madame, monsieur, vous déposez cette en séance tenante, je comprends bien le terme, c'est-à-dire qu'on on est obligé d'en débattre tout de suite, et que et c'est annoncé comme étant pour se faire à la séance de lundi. Moi, je pense que les indignés vont se déplacer comme ils l'ont déjà fait directement, et vous allez avoir un appui, je pense, de masse dans la salle du conseil. Et par la suite, s'il y a une période de questions sur les travaux du conseil municipal qui sont faits. Moi, je pense qu'une mobilisation possible de ces gens-là, que les questions portent toutes sur cette motion-là. Et là, ce serait peut-être un bon pas à faire de mobiliser justement une séance du conseil complète à ce niveau-là. Alors moi, il y a peut-être moyen que justement on lance une certaine mobilisation pour la prochaine séance. Ben, je vais vous dire, si on avait une séance sur le thème nécessairement des indignés et ce qu'on souhaite comme société, imaginez que ce serait un bel exercice de démocratie. Mais également, pour moi, que concrètement, là, c'est pour des demandes pratiques, mais sur la cause, je pense que tout le monde, écoutez, je pense que même le maire lui-même accepte la cause. C'est dans les moyens et l'organisation. Puis à un moment donné, quand tu veux tuer ton chien, tu l'accuses d'avoir la rage. Là, c'est à un moment donné, on peut trouver à un moment donné des causes aussi pour les soutenir. Puis moi, j'ai l'impression que le mouvement devrait être soutenu par les autorités. Quand déplaise les bien-pensants qui disent ah ça dérange tout ça. Non, mais justement ça dérange, c'est parce que il nous amène à réfléchir sur un mouvement planétaire actuellement, c'est sur notre condition sur cette planète-là. Qu'est-ce qu'on veut pour la planète, nos enfants, nos petits-enfants? Moi, j'ai des petits-enfants. Est-ce qu'on veut une planète polluée? Est-ce qu'on veut une planète corrompue? Est-ce qu'on veut une planète où il y a plus d'éthique? Non, je pense que les gens souhaitent prendre... Puis ils demandent aux autorités politiciens de changer, d'abolir les paradis fiscaux, etc., ou autre chose. Et Mme Guérette, donc, vous, votre opinion là-dessus, est-ce que vous abondez dans le sens de M. Bussière? Oui, moi, je vous dire, premièrement, je suis désolée, mais je vais devoir quitter d'une minute à l'autre. Sans problème. Je vais juste vous dire, avant de partir, on s'appuie là-dedans, M. Bussière et moi, on fera ce qu'on peut, il ne faut pas trop avoir d'espoir, mais dans le fond, c'est le maire, c'est lui qui a vraiment la clé. C'est, on va faire ce qu'on peut, mais vous savez, on s'est déjà battu beaucoup dans plein de dossiers, puis on n'a pas le pouvoir. Donc, faut voir, là, mais il faut que le maire décide d'au moins dialoguer de façon ouverte avec vous. Mais moi, je terminerai simplement en vous disant ce que j'ai dit au conseil d'arrondissement lundi dernier. Quand les politiciens travailleront véritablement au service des citoyens qui les ont élus, il n'y en aura plus d'indignés. Hein? Ça va bien aller. Moi, je pense, ces gens, je vois dans la politique des citoyens qui se soulèvent pour plein de différents sujets. Ils ne sont pas entendus. Pourtant, c'est l'argent du peuple qu'on gère et on devrait travailler davantage à l'écoute, dans le respect des besoins que les citoyens nous expriment. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je veux la faire, la politique. Fait que j'ai envie de la changer. Puis je partage avec les indignés. Je comprends ce qu'ils essaient de faire. Comprendre, puis je saisis le message, puis j'ai le goût de travailler dans ce sens-là. Très bien, Mme Guérette. Merci. Et merci à vous d'avoir appelé. C'est très gentil de votre part d'avoir pris un petit peu de temps. Alors voilà, c'était Madame Anne Guérette qui est conseillère du district Vieux-Québec-Montcalm. Et on est toujours avec Monsieur Bussière. Monsieur Bussière, c'est la même chose pour vous. Vous allez devoir quitter dans pas tellement longtemps. Pour merci beaucoup. Dernière question sur la conclusion que Madame Guérette vient de faire de son interlocution. Vous en pensez quoi de ça là? Est-ce que vraiment il y a rien à faire contre Régis Labeaume, ou il y a, si par exemple vous montez à deux et deux conseillers indépendants et que là il y a un groupe qui se déplace, qu'on fait presse. C'est pas en travaillant justement en grattant. On parle de guerre d'usure entre les autorités et les indignés. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire une guerre d'usure justement entre les indignés et les autorités? Je pense qu'on peut relancer ça sur l'autre front. Pensez-vous qu'il y a moyen de faire ça? Mais en fait, là, c'est dans la stratégie, mais moi, effectivement, le maire est la clé de la solution, dans le sens qu'il est le premier magistrat. Et c'est lui qui, à mon point de vue, devrait s'asseoir avec les indignés puis regarder concrètement. C'est un homme qu'on sait créatif. Écoutez, c'est son 17e voyage en Europe. Il revient avec plein d'idées. Mais là, il faut qu'il s'occupe aussi de sa ville et puis des gens qui sont dans sa ville. Le maire de Washington s'est quand même assis avec les indignés de Washington. Et puis, il y a une très belle collaboration. Et puis, ça va très bien. Je pourrais dire que les indignés de Québec sont quand même exemplaires. C'est des gens non violents, des gens quand même soumettent actuellement à toutes les demandes que la ville demande. Il y en meurt pas moins que c'est pas une confrontation qu'on souhaite, c'est de vivre ensemble ou comprendre. Il y a un message dans ce rassemblement-là. Et puis, est-ce que ce message-là doit se perpétuer dans les semaines à venir, et puis avoir ce temps de un lieu de rencontre? Et on pourrait peut-être trouver... mais moi, en conclusion, je dirais au maire... Je l'invite et puis je lui demande qu'il en prenne tout le crédit s'il veut, mais qu'il trouve peut-être une solution d'ouvrir justement le dialogue pour trouver effectivement, puis que, comme je disais au conseil municipal, pourquoi la ville ne serait pas Québec une ville indignée? Imaginez si on était capable de soutenir ce mouvement-là et en même temps comme ville, au plan de la planète, on va dire que être exemplaire. Moi, je vois le modèle de Washington va bien actuellement. Pourquoi? Puis actuellement, il n'y a pas de dérape non plus. C'est très civilisé. Ça serait un contre-message d'aller dans le sens contraire aussi. Fait que c'est la non-violence, c'est le dialogue, l'exercice de la démocratie. On exerce la liberté d'expression, mais je pense qu'à un moment donné, il y a un moyen de trouver un forum, un lieu pour poursuivre cette réflexion-là, puis même les gens qui ont vécu ça, ce que j'ai entendu des témoignages des gens tout à l'heure, vont s'impliquer après ça dans des mouvements ou autres. Voyez-vous, ça comme effet de d'amener les gens à un engagement politique, un engagement social, et puis être plus sensible aussi à être plus de compassion pour les gens qui sont autour de toi, mais c'est extraordinaire. Monsieur Bussière, écoutez, merci beaucoup de votre intervention, de votre présence, de votre appui au mouvement Occupons Québec. Ben écoutez, peut-être que nous assisterons lundi un dépôt de proposition officielle de la part de vous et Mme Guérette à l'hôtel de ville pour donner un coup de main, justement, forcer le dialogue entre le maire Labeaume et les indignés. Donc, voilà, je vous souhaite merci beaucoup. Bonne fin de journée. C'est très gentil de votre part de vous être déplacé. Mesdames et messieurs, vous assistez à cette émission spéciale de la fausse patte dédiée au mouvement Occupons Québec. On vient d'entendre M. Yvon Bussière, conseiller à la ville de Québec du district Belvédère-Saint-Sacrement, qui a déclaré son appui officiel aux démarches des indignés du groupe d'Occupons Québec. Il nous a apporté quelques pistes et solutions. On a eu Mme Guérette également, Anne Guérette, voilà, autre conseillère indépendante à l'Hôtel de Ville de Québec, elle qui est du district Vieux-Québec-Montcalm. Ce sont les deux conseillers indépendants qui se sont montrés favorables au mouvement Occupons Québec. On a parlé peut-être d'un dépôt de proposition justement pour ce qu'elle... au conseil exécutif de la ville, voilà, pour entériner des demandes que les indignés ont fait. On a parlé aussi de peut-être contourner un règlement municipal, le changer, l'amender, comme on fait pour les grands événements, comme on a fait pour toutes sortes de situations. Alors pourquoi pas le faire également pour cette grande célébration, cette grande initiative citoyenne. Si on le fait pour des grands événements, pour des spectacles au niveau culturel, pourquoi pas le faire au niveau politique et au niveau action citoyenne. Donc voilà, c'est le grand débat qui est lancé. On va retourner sur les lieux de la place de l'Université du Québec tout à l'heure avec ma collègue Catherine Dorion, qui a parlé avec des indignés tout à l'heure, le 99%. On a vu qu'il y a des étudiants, des employés d'État, on a vu qu'il y avait des entrepreneurs. Et c'est Mme Annick Papillon, députée du NPD, qui prendra la parole dans le coin de 17h. Pour l'instant, on fait un petit bloc pub et on va retourner ensuite de ça en bloc musical avec Pierre Léon et les deux gauchers, ça s'appelle Le Visiteur. Tout à l'heure, on a entendu les Cowboys fringants et Richard Desjardins. Toujours à CKRL, l'écoute spéciale, à l'écoute du spécial Indigné et Occupons Québec de La Fausse Patte. Lundi le 28 novembre à 19h, CKRL convoque ses membres pour l'Assemblée générale annuelle. C'est votre rendez-vous pour mieux connaître les artisans de votre station et prendre connaissance du travail accompli pendant la dernière année. C'est l'occasion de vous exprimer quant à l'avenir de votre station. C'est un rendez-vous le 28 novembre prochain au Centre Culture et Environnement Frédéric Bach, 870 Avenue de Salaberry. Votre présence permet d'enrichir la vie démocratique de CKRL 89.1. Ça fait que t'as encore confiance aux hommes du peuple. Que les cinéphiles se réjouissent, le Ciné-Club Spirafilm est de retour pour une deuxième saison. Dimanche le 27 novembre à 15h, le Ciné-Club présente en première à Québec Rencontre. Un documentaire saisissant de Mélanie Carrier et Olivier Higgins en présence des réalisateurs. Le projet Rencontre, c'est tout d'abord l'idée de refaire une ancienne voix autochtone. Lundi 28 à 19h, on vous offre le classique du cinéma direct québécois Pour la suite du monde, réalisé par Michel Brault et Pierre Perrault. Une occasion rare à vivre en présence du mythique réalisateur Michel Brault. Ben, j'ai dit comme ça, moi je pourrais pas danser, me voulant encore à manger pour tout lutter. Le Ciné-Club Spirafilm présenté à la salle Sylvain Lelièvre du Cégep Limoilou en collaboration avec le service d'animation socio-culturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, monlimoilou.com, le Bal du Lézard, la Boîte à pain et CKRL. Maudit comme les vieux disaient, un peu de foi. Le Ciné-Club, du ciné sans popcorn. Et il franchit le fil d'arrivée. Alex Harvey, champion du monde. Vous prévoyez utiliser l'opération Nez Rouge ou vous vous entraînez pour devenir accompagnateur? Dans les deux cas, vous êtes prêt à partir en champion. Venez me rejoindre sur opérationnezrouge.com et voyez comment notre engagement à tous est important. Opération Nez Rouge, 1-866 Desjardins, pour partir en champion. Une présentation de la Société de l'assurance automobile du Québec, de Desjardins Assurance Générale et de cette station. CKRL 89.1. Le dimanche de 13h à 14h30, CKRL vous invite à faire un détour par les routes enchantées en vous laissant envoûter par les harmonies du 89.1. Cette émission est une présentation de la librairie La Feuille Enchantée, spécialisée en santé au naturel, spiritualité et écologie. Dans une atmosphère calme et sereine, vous y retrouverez livres, thé, pierres, cristaux, encens, tarots, pendules, en plus de la musique Nouvel Âge, de méditation et de relaxation. Partagez un moment de détente au 770 rue Saint-Jean et venez découvrir ou redécouvrir la Feuille Enchantée. Pour information, 522-1234. Notez également que nous avons une librairie à Victoriaville. Tous les samedis dès 13h, écoutez la nouvelle saison de Contes de fées, l'émission consacrée à la littérature jeunesse d'ici et d'ailleurs et animée par Olivia Bu. Deux rubriques se sont ajoutées à l'émission. Le coin des enfants lecteurs, qui donne la parole à des jeunes qui présentent leurs livres préférés, et Comme des écrivains, qui présente les œuvres des élèves de l'école de la Grande Hermine. Contes de fées dès 13h, tous les samedis sur les ondes de CKRL, vous est présenté par la librairie Pantoute et Studio P. J'aime à me faire peur. CKRL 89.1 vous présente cette émission spéciale de La Fausse Patte sur Occupons Québec. pas tout ce que je reproche à cette espèce qui vit sur Terre. Je répéterai pas ce qu'on dit tout bas, bien penser au lieu de bien faire. Je vais faire comme si je venais d'ailleurs. Tout le monde y pense au monde meilleur. C'est l'utopie parce qu'on a peur. Le monde danse dans son horreur. Comme si j'étais d'une autre planète, venu prendre le corps d'un humain pour voir si votre vie est mieux faite. Sentir un corps et avoir faim. Entendre tes sentir parler ou télépathiser, quand tous vos sens de s'épanouir, apprendre ce qu'est un être humain. Un être humain. Si ça évolue ainsi dans d'autres galaxies, non, ça conclut assez, il sort de l'univers. Pense-t-il qu'il est assez profond et en perd de l'horizon. Tant-on vu que c'est bien trop lointain et juge que c'est rien. Elle est si petite de votre planète. Trop petite pour être si inquiète. Aurions-nous le goût de nous ouvrir à être un peu moins centralisés? Si important de réussir dans un monde qui faudra quitter. Je veux dire juste pas trop s'investir, ayant pour but de se dépenser. Pas parce qu'on peut mieux s'enrichir qu'on va mieux vivre ou mieux régner. Tu règnes, si ton royaume tourne seulement autour d'une étoile. Il y a toujours des châteaux qui tombent, le grand néant peut être mondial. Infiniment grandement minus, la puce prend le cheveu pour un monde. Les sentiments minimement grand, l'homme prend la terre en possession. Possession. Si ça évolue ainsi dans d'autres galaxies, y'a ça conclut assez, le sort de l'univers. Quand se disent qu'il est assez profond et en perd de l'horizon, t'entends vu que c'est bien trop lointain et juge que c'est rien. Elle est si petite, votre planète. Mais trop petite pour être si inquiète. Thank you. moi je t'allais entendre votre connerie, moi ça l'a pris vivre ma vie, vite moi je suis ambitionneux, cri, et puis j'ai réussi. Que ce soit sur la scène politique ou sur la scène économique. Dans le monde du sport! Au cœur de la communauté artistique. Ou encore à l'international. Tout autour de nous, les nouvelles font couler beaucoup d'encre. Le rôle de mon journal? Faire le tri parmi tout ce battage médiatique pour vous offrir un contenu culturel de qualité. Et une analyse pertinente de l'actualité. Pour y voir plus clair, je choisis Le Devoir. Il vient de partir en voiture. Mais de qui parles-tu? De Kendrick. Kendrick? Oui, un journaliste m'a téléphoné. On l'a vu, il va descendre à la rue Kendrick? Morte. Il déclenche les Quoi? Élections. Quoi? Un journaliste t'a appelé? Le 10 Downing Street a publié un communiqué. L'incertitude va prendre. Je n'arrive pas à croire. Maintenant? Ce salopard, aujourd'hui, la reine. Pourquoi? Pourquoi n'en avons-nous rien su? Pourquoi n'en avons-nous pas été informés? Alors qu'il est à 6 points derrière nous. Il y a une date. Nous n'avons pas encore de date. Ceux-là veulent savoir si George va faire une déclaration. Bien sûr qu'il va parler. Le 8 novembre. Oui, c'est ça. Ne quittez si pas. Si George va parler, je ne veux pas qu'il le fasse. Mais bon Dieu, on aurait dû le savoir. Pourquoi ne l'avons-nous pas su? Parce que c'est le moment qu'on a regardé le texte de la BBC. Oui, c'est derrière un bureau. Bonne chance, Jane. Bonne chance à toi, George. Premier acte et les écornifleuses présentent L'absence de guerre de David Ayer. 13 comédiens sur scène plongent dans une course électorale effrénée, lancée en pleine crise économique. Présenté du 8 au 26 novembre à premier acte. Billets en vente sur le réseau Biotech au 643-8131. Une collaboration de la Caisse populaire de Québec, du bar Le Sacrilège, de l'Intermarché Saint-Roch et CKRL 89.1. Information premieracte.ca. En novembre, le quartier de lune vous en mettra plein les oreilles. Le 11, c'est Jonas & Corey qui vous présente leur spectacle. 10 $ par billet sera remis à la Fondation du cancer du sein du Québec. Le 12, dès 20h, Sweet Soul System s'amène avec tout son dynamisme dans le but de faire bouger son public au son des grands succès. Le 19, le Cover Charge Band vous propose un répertoire des meilleurs succès rock classiques et actuels. Une soirée unique pour seulement 3 $. Le 26 à 20h, Mario Saint-Amand et Breen Leboeuf unissent leur voix et leur talent pour nous présenter un spectacle envoûtant. Les billets sont au coût de 15 $. Réservé au 88-523-4011. Le quartier de Lune, 799 Avenue Cartier. Du lundi au vendredi de 10h à midi, écoutez l'émission Univers francophone. Sait-on jamais qui chante à travers nos chansons? 2 heures de chansons et de poésie pour guider vos avant-midi d'automne. Seulement au 89. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais au restaurant Les Colocs, 400 3e avenue Limoilou, au Cercle, 228 rue Saint-Joseph-Est, à la Fournée Bio, 1296 3e avenue Limoilou et chez Amassane le Masseur. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais. Ça peut être payant. RL 89.1. Cultive tes goûts. CKRL 89.1 vous présente cette émission spéciale de La Fausse Patte sur Occupons Québec. Voilà, mesdames, messieurs, telle que la splendide voix de Tania Beaumont vient de nous l'annoncer, vous êtes toujours à l'écoute de ce spécial Fausse Patte sur Occupons Québec, le mouvement des indignés qui a pris possession de la place de l'Université du Québec depuis le 19 octobre dernier. On a entendu dans les dernières minutes les conseillers municipaux indépendants Yvon Bussière et Anne Guérette, pardon, qui ont montré leur appui, voilà, au mouvement, parce qu'on sait, si vous n'étiez pas tout à fait au courant, mesdames et messieurs, que ces gens-là sont dans une guerre de nerfs, engagés, pardon, dans une guerre de nerfs avec l'Hôtel de Ville de Québec, notre premier magistrat Régis Labeaume. À tous les jours, les employés de la ville, les inspecteurs viennent question de vérifier la sécurité des lieux, et à chaque fois, on démontre une grande collaboration du côté des indignés. Aujourd'hui, hier, en fait, était tombé un avis d'éviction. Ce matin, 9h, les policiers se sont présentés avec les employés de la ville et finalement, les indignés Occupons Québec sont toujours debout. Je pense que pour la démocratie et la parole citoyenne, c'est une belle victoire. Alors, félicitations à eux qui ont réussi à résister. Voilà, on va avoir aussi d'autres interventions puisque ma collègue Catherine Dorion est toujours sur place au campement, voilà, d'Occupons Québec, qui va nous faire, qui va donner la parole vraiment à ces gens-là, des gens qui sont sur place. On a bien vu qu'il y avait des gens d'un peu partout. Moi, ce qui m'a frappé personnellement, je suis moi-même un travailleur autonome, un petit entrepreneur en fait, et il y a ce fameux monsieur Pierre tout à l'heure qui nous a parlé que lui était entrepreneur, et pour l'avoir déjà rencontré, il m'a dit je suis un peu un modèle pour la jeunesse, c'est-à-dire je suis un jeune entrepreneur. Je réussis et tout, et pourtant je suis endetté par-dessus la tête. Pour y arriver, il faut vraiment mettre pratiquement sa vie en veilleuse, si on veut. On doit prendre de grandes responsabilités au niveau financier. Et voilà, c'est ça qui est difficile au niveau de cette condition-là. Et puis, écoutez, si je me permets, je vais vous lire quelques revendications au niveau d'Occupons Québec, parce que quand on passe du côté de leur campement, ils vous remettent un manifeste, en fait, qui explique pourquoi ils utilisent le terme indigné. Et je me permets de vous lire le paragraphe qu'ils nous remettent. Alors, si vous passez, et mesdames et messieurs, on parle de la classe politique qui s'est présentée pour aller les voir. Je vais me permettre de vous lancer une invitation également, de passer faire un tour, de prendre le temps de discuter avec eux. Et vous allez voir qu'il y a des gens de toutes les provenances et qu'il y a un discours qui se tient très fortement. Écoutez, on est en attente d'une entrevue avec Madame Annick Papillon et nouveau parti démocratique. Juste avant de pouvoir rejoindre ma collègue Catherine au parc Saint-Roch, on va y aller tout de suite d'un petit bloc musical, question de nous permettre de